Wish City, le soir, quelques heures après l'éboulement que beaucoup de creuseurs nommaient déjà le grand chambardement. Chez les Baefwish, on creuse pour s'étendre, soit en profondeur, soit en longueur, mais jamais en hauteur. L'ancienne prophétie parle de l'effondrement du grand plafond. Et l'effondrement du grand plafond, pour les gnomes, c'est la fin du monde. Et chez les creuseurs, lorsque quelque chose ne va pas, on va le soigner au bar de Spoon. La ta bière, Squeak. Merci, Spoon. Et la mienne? Bose. Mon petit Bose, mon cher petit Bose. Et les autres bières que tu me dois, hein? C'est ma mère qui va me les payer. Eh oh, ça va, hein? Depuis le temps que tu me promets que ta mère me paiera mes bières, eh ben, je serai toi, j'élèverai pas trop la voix. Oui, je t'ai vu. Nous interrompons notre programme publicitaire pour une allocution de notre grand dirigeant qui dirige à droite ou à gauche et surtout vers l'avant. Baefwish. Baefwish. Comme vous le savez tous, un incident de la plus haute importance a eu lieu aujourd'hui dans le grand chantier de la galerie Est. Monsieur le grand dirigeant qui dirige à droite ou à gauche et surtout vers l'avant, c'est à vous. Je vous en prie, appelez-moi juste le grand dirigeant. C'est important, alors fermez-la. Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Je me suis coincé le doigt dans ma bouteille de bière. Oh la ferme! Ouais, au moins demander ça comme ça, hein! Nous avons tous tourné la tête vers la télé. Les voix se sont tues. Le grand dirigeant, celui qui dirige à droite ou à gauche et surtout vers l'avant, le chef des Baefwish, celui qui règne sur Wish City, il allait s'adresser au peuple suite au grand chambardement. Mes chers compatriotes, quelque chose d'important s'est passé aujourd'hui, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Nos chers creuseurs ont souffert, nos chers creuseurs ont perdu des leurs. C'est tout d'abord à la famille des victimes que je tiens à présenter mes plus sincères condoléances. En tant que chef de votre gouvernement, en tant que grand dirigeant de notre grande et belle cité, Wish City, je prendrai mes responsabilités. C'est pourquoi j'ai décidé d'ordonner l'exécution immédiate des trois contremaîtres qui dirigeaient ce secteur ce jour-là. De grands changements vont avoir lieu ici à Wish City. Notre fière et grande ville. Mademoiselle Mila, n'avancez pas plus! Vous ne pouvez pas rentrer dans le studio! Je peux pas! Je peux pas! Je peux jamais! Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Que je reste avec tous ces techniciens au regard graveleux? Oui, ce serait pas mal! Je serais pas contre non plus, hein! Eh, hey, mangez votre libido, les gars! Je suis la fille du grand dirigeant! Ah, pardon! Dis-Bloc, t'as vu ce câble? Il est beau, hein? Ah ouais! Et voilà! Ce statut me vaut une tristesse sexuelle, chère servante! Vous pouvez pas vous imaginer! Oui. Oh, vous savez, vu mon physique... Ouais, c'est vrai que finalement, la tristesse sexuelle, vous devez connaître, mais pas pour les mêmes raisons. Personne n'ose me regarder, et encore pire, me toucher! Mon dernier prétendant, il est devenu castrat au grand opéra de Wish City! Mon père ne régit pas les Baefwish, il régit ma vie également! Regardez-le! Assis là, à sa table, dans le studio. Comme il est fier, il pourrait être sur des chocs que ça changerait rien pourtant. Il sait qui il est. Et il en profite. Madame, vous parlez de votre père tout de même. Le grand chamboulement. C'est ainsi que l'on nomme l'incident d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le grand chamboulement. Tu crois qu'ils savent ce que c'est, l'autre grand plafond là? Chut, tais-toi, Bouze. Aujourd'hui, un morceau de grand plafond s'est effondré dans la galerie Est. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et quiconque prétendra le contraire sera fortement réprimandé. Je ne veux pas entendre d'histoire concernant un quelconque grand plafond changeant de couleur. Il n'y a rien d'autre à part Wish City. Vous le savez tous. Il n'existe rien d'autre à part les Baefwish. Dès ce soir, la galerie Est sera obstruée. Quoi? Il pense à nous. Et puis il oublie toujours les creuseurs. Et quelqu'un peut m'aider? C'est toujours mon doigt coincé dans ma bouteille de bière. Squeak? C'est quelque chose. Il ne veut pas que le peuple le découvre. Il sait quelque chose. Il y aurait un autre grand plafond? Non, Madame Mila, ne dites pas des choses comme ça. Oh, lâche-moi. C'est pas comme si je disais salope ou quelle vache de connerie. Oh, ne dites pas ça non plus, je vous en prie. Les creuseurs creuseront de nouveau dès demain à l'ouest cette fois. Si l'est devient galerie non grata, les galeries de l'ouest seront l'avenir de Wish City. Mes chers compatriotes, j'en ai décidé ainsi. Merci, grand dirigeant. Mais c'était un plaisir, mon brave. Il faut que j'aille voir ce qui s'est passé là-bas. Non, madame, vous ne bougerez pas d'ici. Votre père vous a demandé de l'attendre. Ensuite, vous retournerez au palais et je... Aïe! Mais t'as la tête dure, toi. Et vous, vous avez rien vu? Non, rien de rien. Si elle a assommé sa servante. Il est un peu con, là, votre copain. Un peu. Même pas vrai, d'abord. Et vous allez où, comme ça? Et si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Bah, il faut